le duc courant vers Procache. « Vous, enfin !» Et l'archiduchesse s'esquive discrètement, pendant que les deux amis s'étreignent. « Que faites-vous ici depuis 6 mois ?»« Je rage. »« Je ne connaissais pas Schönbrunn. » »« C'est un tombeau. »« La gloriette, au fond, sur le ciel, c'est très beau. » »« Oui, pendant que mon cœur de gloire s'inquiète, j'ai ce diminutif là-bas, la gloriette. »« Vous avez tout le parc pour monter à cheval. » »« Le parc est trop petit. » »« Vous avez tout le Val. » Le Val est trop petit pour que l'on y galope. Et que vous faut-il donc pour galoper? L'Europe. Chut. Et quand je relève un front éclaboussé de gloire par mon livre, et lorsque du passé je ressors ébloui, quand je ferme Plutarque, quand je saute au César en pleurant de ta barque, quand je quitte mon père, Alexandre, Hannibal. On vous laisse tout lire? Tout. Il est loin le temps où Fanny, pour m'instruire, apprenait des récits par cœur. Plus tard, j'obtins que quelqu'un me passât des livres clandestins. La bonne archiduchesse? Oui. Chaque jour, un livre. Dans ma chambre, le soir, je lisais. J'étais ivre. Et puis, quand j'avais lu, pour cacher le délit, je lançais le volume en haut du ciel de lit. Les livres s'entassaient dans ce creux d'ombre noire, si bien que je dormais sous un dôme d'histoire. Et le jour, tout cela restait tranquille, mais tout cela s'éveillait dès que je m'endormais. De ces pages, alors, qui les pressaient entre elles, les batailles sortaient en s'étirant les ailes. Des feuilles de laurier pleuvaient sur mes yeux clos. Osserlis descendait tout le long des rideaux. Iéna se suspendait aux glands qui les relèvent, pour se laisser tomber tout d'un coup, dans mon rêve. Or, un jour que chez moi, Metternich, gravement, me racontait mon père, à sa guise, au moment où, très doux, j'avais l'air tout à fait de le croire, voilà mon baldaquin qui croule sous la gloire. 100 livres dans ma chambre agitent un seul nom en battant des feuillets. Metternich bondit. Non, calme, il me dit, avec un sourire d'évêque, pourquoi placer si haut votre bibliothèque? Et sortit. Depuis lors, je lis ce que je veux. Je tâche d'oublier quelquefois. Quelquefois, je me lance à cheval éperdument. Je bois le vent. Je ne suis plus qu'un désir d'aller vite, de crever mon cheval et mon rêve. J'évite de regarder courir au loin les peupliers, pareils à des bonnets penchés de grenadiers. Je vais. Je ne sais plus quel est mon nom. Je hume avec enivrement la forte odeur d'écume, de poussière, de cuir, de gazon écrasé. Enfin, vainqueur du rêve, heureux, brisé, grisé, j'arrête mon cheval au bord d'un champ de seigle, lève les yeux au ciel et vois passer un aigle. Enfin, si je pouvais en moi-même avoir foi, vous qui me connaissez, que pensez-vous de moi? Ah, Procache, si j'étais ce qu'on dit que nous sommes souvent, nous, les fils des grands hommes. Ce doute, avec des mots, Metternich l'entretient. Il a raison, et c'est son devoir d'Autrichien. Mais, dites-moi, quelle est au juste ma valeur? Vous qui me connaissez, puis-je être un empereur? Que de ce front, mon Dieu, la couronne s'écarte, si sa pâleur n'est pas celle d'un Bonaparte. Prince, répondez-moi, dois-je me dédaigner? Parlez-moi franchement, que suis-je? Pour régner, ai-je le front trop lourd et les poignets trop minces? Que pensez-vous de moi? Prince, si tous les princes connaissaient ces tourments, ces doutes, ces effrois, il n'y aurait jamais que d'admirables rois. Merci, Procache. Ah, ce seul mot me réconforte. Travaillons, mon ami.